السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة ومثل هذه المجالس في هذا المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك على القائمين عليه، ويوفقنا وإياكم وإياهم إلى كل خير. أحدثكم اليوم عن خير من وطئ الثرى وأظله السماء. أحدثكم عن أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أزكى خلق ربنا تبارك وتعالى وأحبهم إليه، فهو خليل الله وخاتم الأنبياء وأكمل الناس تحقيقا لعبوديته، أحسنهم معاملة وأطيبهم خلقا. اختاره الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus noble créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, du meilleur qui a été couvert par ce ciel et qui a marché sur cette terre, du plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, du plus noble des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a concrétisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a le mieux adoré et qu'il a le mieux fait connaître à ses serviteurs, celui qui avait les plus nobles caractères et les meilleurs des comportements, celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala en tant que prophète et messager, celui qui a été envoyé à l'ensemble des mondes, le prophète Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib al-Hashim al-Qurashi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous parlons de la plus noble créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a été choisi pour orienter les gens et pour leur enseigner le chemin menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ceci rapporté par d'autres compagnons également عند أحمد وغيره، il nous dit: certes, Allah a regardé dans le cœur des serviteurs et il a trouvé que le cœur le plus pur où le meilleur des cœurs était le cœur de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le cœur de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a donc choisi et élu, et l'envoya avec son message. Donc sans aucun doute, celui duquel nous parlons est l'élite de l'élite des serviteurs et messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Khassahu Allah subhanahu wa ta'ala bi akmali sifatil bashar. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis et lui a accordé la perfection humaine. Khalqan wa khuluqan, que ce soit dans son caractère, ses caractéristiques, ses qualités, ses comportements, ou que ce soit dans son apparence, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala uswatan lil alamin wa qudwatan lis salihin. Allah azza wa jal a fait de lui un exemple pour les mondes, un exemple pour les pieux. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une personne comme une autre. C'est celui qui est notre exemple, notre imam, notre guide, notre prophète, notre messager, notre éducateur, celui que l'on doit suivre et celui auquel nous devons revenir, c'est-à-dire à ses paroles, à sa croyance, à son comportement, à sa sunna, à sa tradition, à sa voix, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de s'asseoir et de donner une heure de son temps pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose primordiale, est une chose des plus importantes. Avec cela, ta foi augmente. Avec cela, ta connaissance de l'islam augmente. Avec cela, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en comprenant ce verset, tu comprends que tu as l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا فَرْعٌ عَنْ مَعْرِفَتِهِ. Et pour le suivre, il te faut le connaître. Et sans le connaître, comment est-ce que tu pourrais le prendre comme exemple ? وَلِذَا أَحُثُّ نَفْسِي وَإِخْوَانِي عَلَى دِرَاسَةِ سِيرَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَمَائِلِهِ. Et c'est pour cela que je m'encourage moi-même, ainsi que mes chers frères en Allah Azza wa Jal, je vous encourage à étudier la biographie, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de le prendre pour exemple, de le suivre et de s'éduquer sur le comportement et les histoires et la vie qu'il a eu sallallahu alayhi wa sallam. Wa dirasatu sirati la fawaid kathira, et le fait d'étudier sa biographie comprend ou comporte de nombreux mérites, de nombreux bienfaits, de nombreuses leçons. Al-Sheikh Abdurrazak al-Badr, dans la Muqaddima de l'explication du livre Al-Shama'il de l'imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, cite certaines leçons et certains mérites de l'étude de la biographie ou de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit al-imanu bih wa tahqiqu dhalik. Il nous dit le fait d'avoir foi en lui et de compléter et de parfaire cette voie ou cette foi, car plus tu le connaîtras, plus tu auras foi en lui et plus donc tu pourras le suivre et le prendre pour exemple. Deuxièmement, mahabbatu, son amour, plus tu vas le connaître, plus tu l'aimeras sallallahu alayhi wa sallam, ton amour pour lui augmentera. Afwan. Troisièmement, جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للعباد وأمرنا باتباعه. Troisièmement, Allah Azza wa Jal en a fait un exemple pour les serviteurs et nous a ordonné de le suivre. Et pour ce faire, il te faut le connaître sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu le connaîtras, plus tu pourras le suivre et le prendre pour exemple. Quatrièmement, ma'rifatuhu tujibu l'iman bihi. Ma'rifatuhu tujibu l'iman bihi. Le fait de le connaître t'appelle à avoir foi en lui. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas foi en lui. Na'am. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le connaissait. Il connaissait sa lignée, connaissait son comportement, avant même qu'il reçoive la révélation. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a utilisé ce point pour les appeler à la foi en lui et pour les blâmer. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Mu'minun, le verset 69, « Am lam ya'arifu rasoulahum, am lam ya'arifu rasoulahum, fahum lahum munkirun. » Ou n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? On comprend que la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une grande cause pour avoir foi en lui, pour croire en lui, pour entrer dans sa religion, pour le suivre par la suite sallallahu alayhi wa sallam. Et à son époque, beaucoup de gens le détestaient. Limadha? بسبب الإشاعات الكاذبة نعم ولماذا لأنه خالف دين آبائهم وأجدادهم beaucoup le détestaient pourquoi à cause des rumeurs et des mensonges qui étaient proférés à son égard certains disaient qu'il a insulté les ancêtres d'autres disaient que c'était un magicien et un sorcier d'autres disaient que c'était un menteur et ainsi de suite les gens mentaient sur lui comme ils le font sur les gens de la sunna, comme ils le font sur les savants de Ahlus Sunna qui propageaient Tawhid wa Sunna, et sur les étudiants et les prêcheurs et les personnes de la piété, pour pouvoir obstruer le chemin qui mène à eux. C'est ainsi qu'ils ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Allah azza wa jal a propagé cette lumière, a parachevé sa religion. L'un d'entre eux dit, il n'y a pas un visage que je détestais plus que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au point, il y a un point tel que si j'avais pu le rencontrer, je l'aurais assassiné. Plus tard, il l'a rencontré, il l'a fréquenté et il nous dit par la suite, et aujourd'hui il n'y a pas un visage que j'aime plus que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les rumeurs, les mensonges faisaient que certains le détestaient. Mais après l'avoir rencontré, après avoir vu ses qualités, son comportement, ils ont eu foi en lui. Ils l'ont suivi, ils l'ont aimé, ils l'ont secouru lui ainsi que sa religion. Donc la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a une grande part dans l'islam des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, que tu as été si bon envers eux. Et si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a décrit comme étant une miséricorde envoyée pour les mains. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et les savants ont beaucoup parlé sur ses qualités, na'am, et sur le mérite de l'étude de sa biographie et de sa connaissance. Le grand savant, Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'aruf ibn Qayyim al-Jawziyyah, nous dit « Fizad al-Ma'at » بمتابعته يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, de par son suivi, se distinguent les gens de la voie droite des égarés. فالضرورة إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. Puis il nous dit que les gens ont encore plus besoin de le connaître que le corps a besoin de son âme. Subhanallah. فَالدَّرُورَةُ إِلَيْهِ. Le besoin qu'ont les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur le besoin du corps devant son âme. Si tu enlèves l'âme du corps, que se passe-t-il? Hein? La personne meurt. Ben, tu as encore plus besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voix, sa religion, que ton corps a besoin de son âme. وَالْعَيْنِ إِلَى نُورِهَا. Et que l'œil a besoin de sa lumière. وَالْرُوحِ إِلَى حَيَاتِهَا. Tu as encore plus besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ton âme a besoin de sa vie. وقال وإذا كانت السعادة وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Puis il nous dit, et si ton bonheur réside dans le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم et en dépend, فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. Et s'il en est ainsi, c'est-à-dire que le bonheur du serviteur est rattaché au suivi et à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il incombe à toute personne qui a voulu le bien pour sa personne et son salut ainsi que son bonheur de connaître de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa biographie, une partie suffisante qui te permettra de sortir de son ignorance. Naam, tu dois savoir qui il est, tu dois connaître sa voix, sa religion, et ne pas être ignorant de tout cela. Afin, il nous dit aussi, et pour pouvoir entrer et se joindre au nombre de ses suiveurs. De son parti, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et nombreuses sont les paroles des savants, nous montrant l'importance de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le grand savant, revivificateur de l'islam, Al-Shir Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, a écrit son livre Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, les trois fondements. Et le premier fondement étant Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah. Le second fondement étant Ma'rifatul Islam, la connaissance de la religion de l'islam. Et le troisième fondement, ma'rifatun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des bases qui incombe, dont la connaissance incombe à l'ensemble des personnes responsables. Tu dois connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les détails de sa connaissance ou les parties composantes de cette étude sont très nombreuses, très multiples et très vastes. Très nombreuses, très multiples et très vastes. Et dans cette heure, naam, dans ces quelques minutes, je vais m'essayer ou m'efforcer de vous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire physiquement. Et les pieux prédécesseurs venaient voir les compagnons et les questionnaient sur cela. Les questionnait sur cela, comme dans le hadith de Abu Tufayl, qui est le dernier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avoir vu, c'est-à-dire que c'est le dernier parmi les, c'est celui qui a vécu le plus longtemps parmi les compagnons. Abu Tufayl, il est mort en l'an 100 après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tabi'un, les successeurs des compagnons venaient le voir et lui demandaient comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils écoutaient de lui, ils prenaient plaisir à écouter de lui la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils allaient voir Anas ibn Malik, qui lui aussi a vécu longtemps, Et ils lui demandaient comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons eux-mêmes enseignaient aux tabi'oun comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa couleur, sa taille, et ainsi de suite. Pas que les madha, les aspects comportementaux, pas que la manière de prier, la manière de jeûner, mais même la forme de ses os, la forme de sa tête, son sourire, ses dents, ses yeux, son regard, sa démarche, ses vêtements, et ainsi de suite. Donc s'ils ont accordé de l'importance à cela, nous devons également d'accorder de l'importance à ce chapitre. Et tout, en réalité, tout ce qui touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam a une grande importance dans le cœur du musulman. Premièrement, awwalan lawnuhu wa tuluhu. Premièrement, quelle était la couleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelle était sa taille? Et vous pouvez revenir au livre de l'imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, Shama'il. Il a réuni beaucoup de hadiths. Il a commencé son livre par ce chapitre, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala également a réuni des hadiths dans son sahih sur le sujet. Beaucoup d'imams de l'islam. كان صلى الله عليه وسلم أبيض البياض المشرب بحمراء. Le prophète صلى الله عليه وسلم était blanc. Il était blanc et sa blancheur était troublée de rougeur. Et on appelle cette couleur azhar. أما في طوله صلى الله عليه وسلم كان متوسطا. Quant à sa taille, il était de taille moyenne, mais il penchait plus vers les grands. Vers les grands que vers les petits. Donc il était de taille moyenne, mais il tendait vers la grandeur, sallallahu alayhi wa sallam, aqraba ila at-tul. Wa hadha kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ليس بالطويل البائن أي المفرط ولا بالقصير أخرجه البخاري ومسلم. Et cela comme dans le hadith de Anas ibn Malik, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas d'une grandeur démesurée. C'est-à-dire que dans un groupe de personnes, il ne sortait pas du lot de par sa grandeur. Puis il nous dit ولا بالقصير. Et il n'était ni petit. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Qu'il était de taille moyenne. Mais dans d'autres textes, on comprend qu'il tendait plus vers les grands de taille que vers les petits. Wa qala al-Bara'u ibn 'Azib radiyallahu anhu kana marbu'an aitha qamatin mutawassitah. Al-Bara' ibn 'Azib nous dit pareillement qu'il était de taille moyenne, radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa couleur, Anas ibn Malik, dans un autre hadith, il nous dit, pour nous décrire sa blancheur, car il y a plusieurs degrés dans la blancheur. Il nous dit, la bil abiyad al-amhaq, ay al-shadid. Il nous dit qu'il n'était pas d'un blanc exagéré ou étincelant. Non. Comme dans l'autre hadith, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc, mais une blancheur troublée d'un rougeâtre. Wala bil adam ayl asmar. Il n'avait pas le teint brun. Naam. Il n'avait pas le teint brun. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما سيغ من فضة أي من جماله ونوره صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة nous dit qu'il était blanc, puis il l'a comparé à de l'argent, la matière. il l'a comparé à de l'argent, la matière. Al-Sheikh Abdurrazak, Hafidahullahu Ta'ala, nous dit, c'est-à-dire dans le fait d'être dans la beauté et dans la lumière. C'est-à-dire dans la beauté et dans la lumière. Et comme on le verra en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus rayonnante et la plus belle, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas que dans le comportement, mais également dans son physique, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la forme de son visage, quant à la forme de son visage, كَانَ وَجْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُسْتَدِيرًا نعم لكن ليس بتمام الاستدارة. Le visage du prophète صلى الله عليه وسلم a été décrit comme étant rond. Il a été décrit comme étant rond. Et dans beaucoup de hadiths, on trouve que les compagnons, lorsqu'ils voulaient mettre une ressemblance entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une belle chose, ils choisissaient al-qamar. Ils choisissaient la lune. Donc son visage était rond, mais pas totalement. Mais pas totalement. An Abi Ishaq, qala, sa'ala rajulun al-bara ibn azib. Un homme a questionné al-bara ibn azib, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akana وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف. Donc un homme a questionné Al-Bara ibn Azib et en lui disant, est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était-elle une épée, ressemblait à l'épée, était comme l'épée? قال لا بل مثل القمر. Il lui a dit non. Il lui a dit non, mais plutôt semblable à la lune. Mais plutôt semblable à la lune. Rawahu al-Bukhari. Est-ce que son visage était semblable à l'épée? Les savants expliquaient ce terme en disant, يعني في استقامته نعم وفي طوله. Est-ce qu'il était semblable à l'épée, c'est-à-dire dans sa longueur et sa droiture? Al-Bara a répondu, non, belle. مثل القمر. Non, il était plutôt semblable à la lune. أي في استدارته. نعم. Non, semblable à la lune. C'est-à-dire dans sa rondeur. ولمعانه. Et dans son caractère brillant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des points communs avec la lune dans la forme de son visage, avec la beauté, yani dans la beauté de son visage et dans le fait que son visage était étincelant. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas penser que son visage était totalement rond. Naam, il tendait vers la rondeur, mais pas totalement rond comme les savants l'ont cité, en unissant les différents récits des compagnons lors de leur description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son visage était illuminé, rayonnant et resplendissant, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les compagnons nous ont rapporté la description des yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après avoir cité sa couleur, sa taille, donc il était de taille moyenne, tout en tendant vers les personnes de grande taille, après avoir décrit son visage, ainsi que sa forme et sa beauté, passons maintenant à ses yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des yeux de couleur noire. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des yeux de couleur noire. Et le blanc de ses yeux, naam, était troublé par une légère teinte rouge. Naam, le blanc de ses yeux était troublé par une légère teinte rougeâtre. Et ceci était connu pour être une beauté chez la personne. Et ceci était connu pour être une beauté et une marque de beauté chez la personne. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال. Donc Jabir ibn Samura nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant Kana ashkal al-ayn. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ashkal en parlant de ses yeux. Que signifie ashkal al-aynayn? Ay fi bayad al-ayn humratun yasira. Les savants ont dit que ce terme signifiait que le blanc de ses yeux était troublé par une légère teinte rougeâtre. Rawahu Muslim. Quant à sa bouche, amma famuhu sharif sallallahu alayhi wa sallam, fi nafs al hadith, fi hadith Jabir ibn Samura, kana sallallahu alayhi wa sallam dhali' al fam, ay wasi'a al fam, rawahu Muslim. Azim al fam ou azim al fam. Quant à la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, Jabir ibn Samura nous l'a décrit en disant qu'elle était dhali', c'est-à-dire large. Il avait une grande bouche sallallahu alayhi wa sallam. Laysa faman dhayyqan saghiran. Il n'avait pas une bouche resserrée et petite. La yushammu minhu illa ra'ihatan tayyibatan zakiyatan sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne sentait de lui et de son haleine qu'une très bonne odeur. Qu'une très bonne odeur, une odeur plaisante et agréable, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana ya'tani bidhalik. Et il prenait soin de cela, au point de délaisser certains aliments licites. Au point de délaisser certains aliments licites, ayant une odeur par la suite, suite à la consommation de certains aliments. Certaines personnes peuvent avoir une certaine haleine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait ces aliments-là. Il délaissait ces aliments-là. Wa kana awwala ma yabda'u bihi idha dakhala bayta madha as-siwak. Et la première chose par laquelle il commençait en entrant chez lui était d'utiliser as-siwak. Ses épouses ont été questionnées, si mes souvenirs sont bons, Aisha radiallahu anha. Quelle était la première chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en entrant à la maison? Elle a répondu, il utilisait as-siwak. Il utilisait as-siwak sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu pour avoir une bonne haleine sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une histoire connue entre les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, deux d'entre elles se sont entendues pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit amené à délaisser une boisson qu'il aimait d'une autre de ses épouses. Comment? Hein? Comment est-ce qu'elles ont fait? L'une a dit à l'autre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera chez toi, et qu'il te saluera, car lorsque le prophète entrait chez lui, il disait bonjour à ses épouses, comme l'homme dit bonjour à son épouse, tu lui diras, n'as-tu pas bu de telle chose, ou bien quelle est cette odeur? Non. Pourquoi? Pour pousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à délaisser la boisson de telle de ses épouses qu'il aimait. Il y a une jalousie entre eux, il y a une entre les femmes. Donc, ce qui était connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait toujours une bonne odeur, que ce soit de son corps ou que ce soit celle émanant de sa bouche sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses dents sallallahu alayhi wa sallam, كانت جميلة مستقيمة. Quant à ses dents, elles étaient belles et elles étaient correctement ordonnées et alignées. Et il y avait un léger espace entre ses dents, particulièrement celle de devant. Et c'est ce qu'on appelle aflaj al-asnan. Et c'est une beauté à un point tel que certaines femmes le font. Elles se font limer entre les dents afin de faire un espace. D'accord ? Afin de faire un espace, et c'est un signe connu depuis les temps anciens, un signe connu de beauté. si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal a accordé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas lui qui a fait cela de lui-même, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le créa ainsi. Donc il y avait un léger espace à cet endroit. Naam, il y avait un léger espace entre ces deux dents. On nous rapporte également, concernant toujours son visage, qu'il avait une barbe. Naam. وَلَحْيَتُهُ كَثِيثَةً et sa barbe était bien fournie. وَكَانَتْ مُسْتَدِيرًا donc il avait une grande barbe et sa forme était ronde. Sa forme était ronde. Et les compagnons disent qu'ils reconnaissaient ou bien qu'ils avaient connaissance de sa récitation même dans les prières à voix basse. Par quel signe? Car il voyait les mouvements de sa barbe. Il voyait les mouvements de sa barbe. Et pour pouvoir voir cela, il faut qu'elle soit fournie, il faut qu'elle soit grosse. Il faut qu'elle soit grande, il faut qu'elle soit large. Elle était grande, mais pas forcément très longue. Pas forcément très longue, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle était moustadira, elle était ronde. Sa barbe, sallallahu alayhi wa sallam. Wa i'fa'uha min al-fitra, wa min hadyih, wa min sunnatih, wa min shar'ina. Wa hadha amrun wajibun. Na'am. Wa halquha ma'asiyatun lillahi wa li rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez donc que cette barbe fait partie de la sunna, de la tradition prophétique. C'est venu dans des hadiths que ça fait partie de la fitra. Est venu dans des hadiths l'obligation de la laisser. C'est-à-dire de ne pas la toucher, de ne pas la raser, de ne pas la diminuer. Naam. Dans plus d'une dizaine de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de raser la barbe, ordonne de laisser la barbe. Naam. Ordonne de laisser la barbe. Wa hiya min sunnati al-anbiya. Et c'est même une tradition des prophètes. Chez les prophètes. Comme on trouve dans le Coran, lors de l'histoire de Moussa et de Haroun. Naam. Lorsque Moussa alayhi salam s'est absenté et a été convoqué par Allah subhanahu wa ta'ala, 30 jours, puis on a ajouté 10 jours à cela, lors de son retour, Banu Israël avait innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal et avait commis des choses graves. Et celui qui avait la gérance en l'absence de Moussa alayhi salam était son frère, prophète Haroun alayhi salam. Donc lorsqu'il est revenu et a trouvé son peuple dans cet égarement, il s'est mis en colère, ça, alayhi salam, Moussa alayhi salam, et a attrapé son frère Haroun par la tête. Naam. Et il lui a tenu la barbe. Donc Haroun alayhi salam a dit, comme c'est cité dans surat Taha, et peut-être dans d'autres passages du Coran, Yabna ummah la ta'khud madha bira'si wa la bilihyati. Au fils de ma mère, pourquoi est-ce qu'il l'appelait ainsi? Pour le calmer, pour le tranquilliser, au fils de ma mère. On a la même mère. Naam. Et le fait de lui citer cela, ça amène un apaisement. Naam. Le fait de citer les choses que l'on aime. Ne me prends ni par la tête, ni par la barbe. Qu'est-ce que les savants ont tiré de cela? Que Haroun alayhi salam, kanada lahaya. Naam, c'est que Haroun avait une barbe. Et parmi les choses étonnantes, c'est que certaines personnes stigmatisent la barbe. Naam, et parlent mal de la barbe. Alors que lorsqu'ils représentent leur prophète, ils ne les représentent si ce n'est avec une barbe. Donc c'est même un signe de piété, non seulement dans l'islam, mais aussi dans les peuples passés. Et parmi les plus grands intellectuels et les plus grands médecins de leur peuple, tu trouves qu'ils ont la barbe. En passant par les politiques et autres. Mais lorsque la personne qui préserve sa religiosité tient à ce signe, à cette sunna, à ce moment-là, il est montré du doigt. À ce moment-là, il est dévisagé. À ce moment-là, il est cité en mal. Ou on dit de lui que c'est un extrémiste et tous les mots qui finissent en ist. Naam, là, la barbe, c'est la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un ordre religieux. Et lorsque tu portes la barbe, tu es fier de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne trouves aucune gêne, naam, à ressembler à la plus noble et la plus belle créature d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiallahu an Aisha radiallahu anha id taqul, yani, et qu'Allah soit satisfait de Aisha, celle qui disait, par celui qui a embelli l'homme de par la barbe. Par celui qui a embelli l'homme de par la barbe. Falhamdulillahi rabbil alamin. Donc ne sois pas gêné. Hein? Et ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ta connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit te pousser à délaisser ce péché, le fait de se raser la barbe ou de la diminuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de sa barbe et prenait soin de ses cheveux comme on le verra inshallahu ta'ala. Donc celui qui a des cheveux ou qui a une barbe, il y a qu'il en prenne soin. Quant à sa tête, sallallahu alayhi wa sallam, يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصفه ضخم الرأس. علي بن أبي طالب nous décrit la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant يعني, importante. Il n'avait pas une petite tête. نعم, il n'avait pas une petite tête. رواه الترمذي. أما شعره بين الجعد. Quant à ses cheveux, ils n'étaient ni crépus, ni lisses, mais plutôt entre les deux. Ils n'étaient ni crépus, naam, ni frisés, ils n'étaient pas non plus amada, lisses, sallallahu alayhi wa sallam. Qala Anas, la bilja'ad, al-qatat, wala al-sabt. Ou il s'abit. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, nous dit qu'il n'avait pas les cheveux crépus ni lisses. Il se peignait les cheveux, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à leur longueur, par moments, il avait les cheveux qui tombaient jusqu'au lobe des oreilles. Par moments, jusqu'aux épaules. Et par moment, entre les deux. Naam. Par moment, au lobe des oreilles. Par moment, aux épaules. Et par moment, entre les deux. Et chacune de ces longueurs porte un nom dans la langue arabe. Il y a ce qu'on appelle al-wafra. Al-wafra, c'est la coupe ou bien les cheveux qui descendent jusqu'au lobe des oreilles. Naam. Il y a ensuite ce qu'on appelle al-limma. Al-limma, ce sont les cheveux qui descendent, yani, qui dépassent le lobe des oreilles, sans arriver aux épaules. Puis, il y a al-jumma. C'est la coupe ou bien les cheveux qui atteignent les épaules. Et d'autres parmi les gens de science ont expliqué différemment. Al-Bara ibn Azib nous cite dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de ses cheveux, عند al-Bukhari, Azimul Jummah ila Shahmati Uzunay. Dans un hadith, Al-Bara ibn Azib nous cite que par moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de cheveux et ils atteignaient le lobe de ses oreilles, c'est-à-dire cet endroit-là. Dans d'autres textes, on trouve qu'ils arrivaient aux épaules dans d'autres textes entre les deux. Amma shibatuhu, quant aux poils blancs qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très peu. Naam, ils étaient très peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu jusqu'à quel âge? Jusqu'à 63 ans. Naam, malgré cela, il n'avait pas les cheveux blancs. Malgré cela, il n'avait pas les cheveux blancs. Il avait très peu de cheveux blancs. Alors que certains parmi nous, naam, avons déjà des cheveux blancs, sahih? Oui ou non? Certains disent que ça cause des soucis. Est-ce que ça a une base, cela? Naam. On trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'une des causes du blanchiment de ses cheveux, la révélation de certaines soirs. Subhanallah. La révélation de certaines soirs, comme Hud et ses semblables. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 14 شعرة. أنس بن مالك nous dit, je n'ai pas compté que ce soit dans les cheveux et la barbe du prophète صلى الله عليه وسلم plus de 14 poils blancs. C'est très minime, 14 cheveux blancs. Naam, certains parmi nous, parmi les jeunes, avons plus de la moitié. Naam, de cela, et certains ont les cheveux blancs. Allah musta'an. Jabir ibn Samura nous dit qu'il avait une raie, naam, au milieu de la tête. C'est-à-dire qu'il se coiffait et séparait ses cheveux en deux parties. Dans d'autres textes, on trouve qu'il laissait ses cheveux, yani, tomber derrière. Et c'est pour cela que certains savants ont dit que dans un premier temps, il faisait tel type de coupe ou de coiffure, et dans un second temps, il a pris plutôt l'habitude de faire telle coupe. Et par moments, Naam et le prophète sallam yani était tellement imprégné de ce din, et c'était le din qui régissait sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il voyait une personne qui n'était pas agréée chez Allah azza wa jal, avec un certain type de coupe, de cheveux, naam, il faisait lui différemment. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, je trouve un footballeur qui fait, Allah alam, est-ce que c'est même correct, est-ce que c'est pas injuste envers la langue française de dire que c'est une coupe de cheveux, naam, et tu trouves des centaines parmi les enfants des musulmans, je ne parle pas des autres, parmi les enfants des musulmans, naam, qui vont copier cette coupe. Comment est-ce qu'ils appellent la coupe? Yani, quand ils coupent leurs cheveux, ils laissent une crête. Yani, le nom de la coupe, c'est une crête. Yani, même, yani, celui qui a un aql, est-ce qu'il peut dire, je vais faire une crête? Une crête, c'est pour les poulets, les poules, les coqs. Ça arrive là, je me trompe ou c'est ça? Il vient volontairement, Allah Azza wa Jal akramahu bi sha'rin jamil. Hein? Allah Azza wa Jal l'a honoré par une belle chevelure, lui il s'en défait. Il s'en détache pour ressembler à quelqu'un qui court derrière un ballon sur un terrain pendant 90 minutes. Hada ma'qul? Est-ce qu'il a un aql? Hein? Et si lui n'a pas de aql, anta al-walidul karim. Si lui, cet enfant, il a perdu la raison, toi, ou le cher père, cet enfant, il rentre chez toi, il dort chez toi. C'est toi qui, yani, lui apporte à manger et qui lui fournit le gîte. Comment est-ce que tu le laisses rentrer avec cette coupe de cheveux? Naam. S'il rentre chez toi ainsi, rase-lui la tête. Rase-lui la tête et enseigne-lui que nous, on ne fait pas ce genre de coupe. Et on ne veut pas ressembler à ceux qui ont oublié qu'ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ceux qui ont oublié ce pourquoi ils ont été créés fit dunya. Wallahi, yani, il se peut qu'on rit, naam, que l'on rit de cela. Mais en réalité, c'est une haqiqa muhzina. Naam, il se peut que l'on rit de cela, mais en réalité, c'est une réalité. Mais en réalité, c'est triste. Naam, mais en réalité, c'est triste de voir que les enfants se concurrencent dans cet égarement. Wallah al-musta'an. Et juste une remarque concernant la barbe. Certaines personnes sont imberbes. Naam, et elles font les causes pour avoir de la barbe. Ou certaines personnes ont une petite barbe et elles font les causes pour avoir une longue barbe. Ceci n'est pas demandé. L'épreuve, c'est de laisser naam, la barbe. Quant à celui qui n'a pas de barbe, il n'a pas de barbe. Tayyib. Yani quelqu'un pourrait regarder la barbe de l'autre et se dire lui va avoir plus de hasan que moi, ou kada, ou kada. Yani, hada laysa ilayk. Naam, hada laysa ilayk. Quant au poil, une remarque avant cela. Les sahaba ont dénombré le nombre de cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit sur la tête ou que ce soit sur la barbe. Naam. Au point de nous transmettre cela avec cette exactitude et cette précision. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Qu'est-ce qu'on comprend de ce genre de texte? Qui est capable de dire le nombre de poils blancs qu'a sur la tête son père? Toi, Ayoub, Azakallah khair, Sallallahu yahfada, Cheikh Jibari, wa as'alullaha subhanahu wa ta'ala yashfiyahu min kulli maradin wa saqab. Qui est capable de dire son père, la cause de sa venue au monde, combien de cheveux est-ce qu'il a, yani combien de cheveux blancs il a sur la tête. Sa'ab jiddan, c'est très difficile. Naam, c'est très difficile. Nous-mêmes, on ne sait pas. Et as-sahaba radiallahu anhum ne vivaient pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils ont pu nous transmettre avec cette perfection les détails de sa description. De cela, on tire quoi? Qu'ils étaient très souvent avec lui. Qu'ils l'aimaient énormément. Et qu'ils l'observaient énormément. Naam. Et qu'ils ont tout transmis. S'ils ont transmis le nombre de cheveux blancs qu'il avait sur la tête, est-ce qu'ils ont pu traire le message dans la salat, dans la aqidah, dans le tawhid? Naam. Fabu'dan lirrafida. Naam. Al-affakin. Ceux qui prétendent qu'ils ont trahi le message. Donc, les sahaba radiallahu anhum ont tout transmis. Et ce sont ceux qui ont mémorisé la sunnah et l'ont parfaitement relaté aux tabi'in qui eux-mêmes les ont, yani eux-mêmes ont transmis tout cela. Donc, on voit l'amour que portaient les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur mémorisation des de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'importance qu'ils accordaient à ce sujet. Radiallahu anhum ajma'in. Amma sha'ru badanih. Passons maintenant au poil que comportait son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas poilu. Il n'était pas quelqu'un qu'on pouvait décrire de poilu, c'est-à-dire sur le corps. Ce qu'on trouve dans sa description, na'am, c'est que les compagnons ont dit tawilu al-masraba. Ils ont dit de lui, Tawil ou al-Masraba. C'est-à-dire, al-Sha'r al-Daqiq al-Ladi yabda'u bis-Sadr ou min-Sadr wa yantahi la-Surra. Les compagnons ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant Tawil al-Masraba. Al-Masraba, c'est les poils qui partent du torse, na'am, et qui s'arrêtent au nombril. Il avait une fine ligne de poils qui partait de la poitrine jusqu'au nombril. Il avait une fine ligne de poils sur le corps qui partait de la poitrine et qui s'arrêtait au nombril. Qu'est-ce que les savants ont tiré de cela? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un de poilu. Quant à ses mains et ses pieds, lorsque les compagnons les décrivent, tous les textes nous montrent que c'était quelqu'un de fort. Que c'était quelqu'un de fort, sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait des membres imposants. Il n'était pas, pour parler de son corps, il n'était pas gros et il n'était pas maigre. Naam, il était entre les deux. Son corps était rempli. Naam, il n'avait pas de ventre. Il était quelqu'un, yani, de fort, de bien formé, sallallahu alayhi wa sallam. Et en le regardant, on voyait de ses membres que c'était quelqu'un de fort. Même avec ses os, sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib nous dit, « Chathnu al-kaffayn wal-qadamayn » Ay ghalid, dakhm al-kaffayn wal-qadamayn fihi quwwah. Ali ibn Abi Talib nous a décrit les mains et les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant imposants. Ses membres, ils étaient forts. On voyait de lui que c'était quelqu'un de fort. Et on savait cela de lui, comme dans les différentes batailles. Wa kana ashja'a an-nas, et c'était la personne la plus courageuse et la plus vaillante, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas ne pas s'y méprendre, malgré que ses mains étaient, yani, étaient grosses, étaient fortes et qu'il avait de la force. Naam, sa paume était très douce. Un parmi les sahaba, j'ai oublié son nom, peut-être Anas ibn Malik, nous dit qu'il n'a pas touché une soie plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En général, lorsque la personne a des mains, naam, de manière familière, on dit qu'il a des mains, il y en a ceux qui travaillent dans le bâtiment, par exemple. Naam, ou ceux qui travaillent dans, yani, les domaines qui sont difficiles. Ils ont des mains qui sont grandes, ils ont des mains qui sont fortes, mais elles sont abîmées. Raliban en général. D'où l'expression avoir des mains de maçon. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, ses mains, yani, la paume de ses mains, pouvait être décrite de la sorte, c'est-à-dire ayant des fissures ou yani, au toucher, cela n'était pas agréable, tout le contraire. Allah Azza wa Jal a uni sur lui la force, la largeur, la grandeur, mais aussi la douceur. Aussi la douceur. Au point où le compagnon nous dit qu'il n'a pas touché de soie plus douce, naam, et tous connaissons à la douceur de ce tissu et de cette matière, que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dakhmul karadis, les extrémités de ses os et de ses membres étaient également importants et gros. Tout cela rejoint ce que l'on disait au début, c'est qu'il était fort sallallahu alayhi wa sallam. Hasanul jism, on nous décrit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ayant un corps, yani un bon corps, c'est-à-dire bien agencé, naam, une belle personne, ayant des membres mu'tadila, mutanasiqa. Il n'avait pas de défaut, il n'avait pas d'handicap, il n'avait pas de faiblesse visible sur son corps, sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, il était, yani avait des membres bien ordonnés et très forts, sallallahu alayhi wa sallam. Un point tel que le Bara ibn Azib nous dit ba'idul mankibay. Naam, il nous dit que l'espace entre ses omoplates, ses épaules, était large. Donc là, il nous décrit le haut, la partie supérieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses épaules. Yani, de dos, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait qu'il était large. Et ça, c'est un signe de quoi? C'est un signe qui montre la force de la personne et sa corpulence. Il n'était pas maigre, il n'était pas gros, comme je le disais auparavant. Il n'avait pas de ventre ou bien de défaut apparent. Un point qui lui est tout particulier, ce qu'on appelle Khatam al-Nubuwa. Naam, il avait ce qu'on appelle, vous me corrigez si je me trompe, le sceau de la prophétie. Naam, parmi ce qui entre dans la description physique. Par contre, cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait ce qu'on appelle le sceau de la prophétie. Qu'est-ce que le sceau de la prophétie? Où se trouvait le sceau de la prophétie? Et comme l'indique cette appellation, c'est un signe de la véracité de sa prophétie. Et les gens du livre en avaient connaissance, comme cela est raconté par Salman al-Farisi dans l'histoire, dans la belle histoire de ça, de sa conversion, parmi les signes qui l'ont fait pencher vers l'islam par la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa guidée, il y a le fait qu'il ait vu, naam, et qu'il ait cherché à voir le sceau de la prophétie. Hiya qit'atu lahm barizatun fi dhahrihi bayna katifayhi. C'est un morceau de chair apparent, naam, sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la partie gauche de ses omoplates. Naam, vers la partie gauche, yani vers le milieu, mais plus vers la gauche. Naam, pas vraiment au centre. Ce bout de chair était quelque peu vers la gauche. Donc, sur son dos, entre ses omoplates et vers la gauche. Quant à sa taille, naam, quant à sa taille, c'était, yani elle était petite. Dans certains hadiths, on nous décrit cela comme ayant la taille de l'œuf d'un petit oiseau, de colombe, ou de l'al-hamam, comment est-ce qu'on traduit ? Colombe, naam. Et les savants sont posé une question qui est, est-ce qu'il est né, sallallahu alayhi wa sallam, avec ce signe distinctif, ou bien est-ce que cela est venu par la suite ? Al-Shir Abdurrazzaq, Hafidahullah Ta'ala, dans le charh du livre Al-Shama'il, il nous dit qu'il y a plusieurs paroles, mais celle qui semble être la plus juste est que ce signe lui a été attribué en même temps que sa poitrine a été ouverte pendant son enfance, lorsqu'il était auprès de Halim Al-Sa'diyya, naam, celle qui l'allaitait pendant une période lors de son enfance. À ce moment-là, vous savez tous qu'il a reçu la visite d'anges qui l'ont plaqué au sol et qui lui ont ouvert la poitrine une première fois. Naam. Ben, Al-Shir nous dit qu'à ce moment-là, il a eu le sceau de la prophétie. Wallahu a'lam. Quant à sa démarche, sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib nous dit « Ida masha takaffa'a takaffu'an » كأنما ينحط من صبب. Ali ibn Abi Talib nous décrit la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que lorsqu'il marchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec dynamisme. Son pas tendait vers l'avant sallallahu alayhi wa sallam comme s'il descendait une pente. Naam, il marchait pas avec, yani la démarche de ceux qui sont faibles, fatigués, naam, les bras ballants, les jambes lourdes. Non. Il marchait comme quelqu'un, yani de fort. Il marchait avec dynamisme, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'était sa vie. Naam, comme l'était sa vie. Sa vie, elle était, yani, c'est pas une vie de repos. Sa vie n'était pas une vie de loisir. C'était une vie, bijit wa ijtihad. C'était une vie rythmé par la difficulté, par les épreuves, par la da'wa, par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela nous amène à cette conclusion. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajmal an-nas. Toute cette description nous amène à une conclusion qui est, comme l'ont dit les compagnons, na'am, mais je n'ai rien apporté de moi-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus belle des personnes. La plus belle des personnes. Ali ibn Abi Talib, après avoir décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithla » Subhanallah. Il nous dit, radiallahu anhu, « Je n'ai jamais vu avant lui, ni après lui, semblable. Je n'ai jamais vu avant lui, ni après lui, quelqu'un qui lui ressemblait. » C'est-à-dire que c'était la plus belle personne. La meilleure des personnes et la plus belle des personnes. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bara ibn Azib nous dit, Ali hullatun hamra, il nous le décrit, puis il dit, il portait un vêtement fait de deux étoffes. Al-hulla, c'est le vêtement qui est fait de deux étoffes. Par exemple, il y a le rida ou l'izar. يعني une partie qui couvre le haut, une autre qui couvre le bas. Il portait un vêtement rouge. نعم. Composé de deux étoffes. ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Il nous dit, je n'ai jamais vu quelque chose de meilleur que lui, de plus beau que lui, de plus agréable à regarder que lui. رواه البخاري ومسلم. Et remarquez ici que Al-Bara ibn Azib n'a pas dit, je n'ai jamais vu un homme. Je n'ai jamais vu une personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Shay'an. Je n'ai jamais vu une chose. Ça englobe le soleil, la lune, le ciel, les étoiles, les plus beaux paysages, les plus belles personnes. Ben de toutes ces choses-là, je n'ai jamais vu plus beau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakana ajmal an-nas. C'était la plus belle des personnes. Et Al-Bara ibn Azib va même jusqu'à dire que c'est la plus belle chose qu'il ait vue. C'est la plus belle des choses qu'il ait vues. Sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Samura nous dit, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحية أي مقمرة. ماذا جابر بن سامورة نودي؟ J'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم une nuit de pleine lune, ou bien une nuit où la lune était rayonnante, ou bien dans sa complétude. عليه حلة حمراء. Il portait un vêtement rouge composé de deux étoffes. فجعلت انظر الى القمر. Puis il dit, c'est alors que je me suis mis à regarder la lune. نعم, je me suis mis à regarder la lune. وانظر اليه, الى وجهه. Et je regardais son visage. اي يقارن بين القمر وجمال القمر و نور القمر ووجه النبي صلى الله عليه وسلم وجماله ونور وجهه. Donc il nous dit رضي الله عنه, je regardais la lune, et c'était une nuit de pleine lune où la lune était rayonnante. Je regardais la lune et je regardais le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il comparait les deux, il comparait la beauté et la luminosité des deux. فلهو عندي أحسن من القمر. Puis il dit رضي الله عنه, il était pour moi encore plus beau que la lune. Subhanallah. Il était pour moi encore plus beau que la lune. رواه الترمذي. C'est-à-dire dans la beauté. C'est-à-dire dans le caractère rayonnant. Le visage du prophète صلى الله عليه وسلم était étincelant, était rayonnant. Non pas que dans le noir, comme certains pourraient dire, jusqu'au point d'exagérer, non pas que dans le noir, ça éclairait. Non pas que dans le noir, ça éclairait, non. Aïcha radiallahu anha nous dit, iftaqadtu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin. Elle nous dit qu'une nuit, elle a perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elle a mis sa main à côté d'elle, elle ne l'a pas trouvé. Alors elle a commencé à chercher dans la pièce. Et à l'époque, il n'y avait pas de siraj, il n'y avait pas de lanterne pour éclairer la maison. Donc elle le cherchait comme ça, avec ses mains dans la pièce. Et c'est alors que la paume de sa main a touché les deux plantes de pied, des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam éclairait la pièce, elle l'aurait vu directement. Naam, nous disons sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui a été rapporté, et on n'exagère pas à son sujet sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir cité tout cela, na'am, nataradda 'an as-sahaba. Nous ne pouvons que demander à Allah Azza wa Jal le bien pour as-sahaba, ceux qui nous ont précédés par l'islam. Radiallahu anhum ajma'in. Ceux, na'am, qui nous ont transmis cet héritage. Ceux qui nous ont transmis cette description. Comment est-ce que toi tu sais que le prophète sallam avait telle couleur, telle taille, que ses yeux étaient ainsi, sa démarche de telle sorte? C'est sahaba radiallahu anhum qui ont fait cet effort, qui ont mémorisé, qui sont allés trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme toi tu as fait cet effort de venir. Mais est-ce que la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit s'arrêter à là? Non. Innama hadha babun tadkhulu fi. Ça n'est qu'une porte par laquelle on entre pour le connaître maintenant, sa aqida, sa croyance, sa manière d'adorer Allah azza wa jal, sa sunna, son comportement, ses caractères, comment est-ce qu'il était avec les personnes âgées, comment est-ce qu'il était avec les jeunes, comment est-ce qu'il était avec ses épouses, avec ses enfants, avec ses élèves, avec wa akada. Quant à celui qui s'arrête à une simple connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le prendre en exemple, sans le suivre, sans le copier pour adorer Allah azza wa jal, alors celui-ci, cette connaissance sera pour lui une preuve contre lui. Cette connaissance sera pour lui une preuve contre lui. Donc cela n'est qu'une porte qu'on vient d'ouvrir et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de mieux le connaître et de le suivre. Et c'est pour cela, lorsqu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, « Ya Rasulallah, mata sa'a, au messager d'Allah, à quand l'heure ?» La fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ma adat talaha. » Et il a dit, « Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là » Naam. Yani, le but n'est pas de savoir quand ce jour viendra. Ce jour-là viendra de manière inéluctable. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Et il lui a dit, je n'ai pas préparé beaucoup de choses. Naam, en prière et en adoration, c'est-à-dire en acte recommandé. Illa anni uhibbu Allah wa rasoola. Si ce n'est que j'aime Allah. Naam, si ce n'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aime Allah et j'aime le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Anta ma'a man ahbabt. Tu seras avec ce que tu as aimé. Anas ibn Malik nous dit qu'il n'y a pas un jour dans lequel nous sommes plus réjouis que celui-ci. Et moi, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Omar, même si je n'ai pas les mêmes actions qu'eux, j'espère qu'Allah me ressuscitera avec eux. C'est-à-dire l'amour que tu as envers pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit te pousser à agir. Il doit te pousser à adorer Allah Azza wa Jal, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit te pousser à suivre sa sunna, comme l'ont fait les compagnons. Et si tu l'aimes de cette manière-là, sache que tu seras avec lui. Yawm al-Qiyam, lorsque tu seras ressuscité. Naam, nous n'avons pas eu l'honneur de le voir, mais les sahaba nous ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu n'aimerais pas toi le voir Yawm al-Qiyam? Est-ce que tu n'aimerais pas pouvoir le voir fil jannah? Ad-dunya fani, ad-dunya tafna. Ce bas monde, il va disparaître. Ce bas monde, la yabqa, kullu man alayha fan. Tous ceux qui sont sur la terre sont voués à disparaître. Naam. Sauf celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, tu peux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux être avec lui yawm al-qiyamah, fi arasati al-qiyamah. Tu peux le voir fil jannah, même si tu n'as pas le même niveau que lui. Naam. Même si tu n'as pas le même niveau que lui. C'est pour cela qu'un compagnon. J'ai oublié son prénom. Vous me le soufflez si vous vous en souvenez. Mada, il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que c'était Thauban ou un autre. Il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il ne le voyait pas, il était triste. Subhanallah. Il était triste, il se sentait mal. Puis lorsqu'il revoyait à nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il se réjouissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que t'arrive-t-il? Et il lui a dit, Wallahi ya Rasulallah. Lorsque je me sépare de toi, je ne fais que penser à toi et je me sens mal et il lui a cité beaucoup de choses. Et je ne retrouve pas la tranquillité dans mon cœur si ce n'est lorsque je te revois. Alors, et j'ai peur, il y a une chose qui m'intrigue ou qui me chagrine, c'est qu'après la mort, tu seras élevé au rang des prophètes. Et j'ai peur, moi, si j'entre au paradis, de ne plus jamais te revoir. C'est-à-dire la vision du prophète sallam pour eux, c'était ni'ma azim, ajid. De voir le prophète sallam, c'était un bienfait. Le prophète sallam s'est tu. Car il ne parlait pas sans révélation. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. La réponse, elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset dont la traduction est, et celui qui obéit à Allah et au messager, celui-ci sera avec les prophètes. Ou plutôt, celui-ci sera avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Les prophètes, les très véridiques, les martyrs, et les personnes pieuses. Et quelle bonne compagnie que cela. Tu veux être avec le prophète sallam, tu n'as pas eu l'honneur de le voir fit dunya. Il te faut le prendre comme exemple et le suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour conclure, a parlé de gens comme vous. Il dit, il y a des gens qui ne m'ont pas vu et qu'ils auraient donné leurs proches et leurs enfants pour pouvoir me voir. Ils ne m'ont pas vu. Ils auraient tant espéré me voir. Ils auraient pour cela donné tout ce qu'ils possèdent, leur famille et leurs enfants. Ils aiment tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de se séparer de leur famille et de leurs enfants pour pouvoir le voir, si on aurait pu, en faisant cela, il l'aurait fait. Naam, il l'aurait fait. Et il a dit, j'aurais tant aimé voir mes frères. Les compagnons lui ont dit, ya Rasulallah, lesna ikhwanak. Au message d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Il leur a dit, antum ashabi. Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi. Ils ne m'ont pas vu, ils ont cru en moi, ils ne m'ont pas vu. Et l'un d'entre eux aurait donné sa famille et son argent et tout ce qu'il possède pour pouvoir me voir. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وصلي اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف آباءنا وأزواجنا يا رب العالمين وأولادنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله وأتوب إليه وأشكر وفي الختام أشكر المسؤولين جزاهم الله خيرا على إتاحتهم لنا الفرصة لتذكيرنا وتذكير الناس بمنعم الله سبحانه وتعالى علينا et pour conclure j'invoque Allah عز وجل en faveur des responsables de cette mosquée du fait qu'il nous donne souvent est toujours l'occasion de nous rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, ainsi que de rappeler nos frères et de transmettre la religion d'Allah Azza wa Jal. Wa hadhi ni'matun tushkar. Et ceci est un grand bienfait, et on doit se montrer reconnaissant envers eux, car ça n'est pas dans toute mosquée où on permet yani, de se propager la parole d'Allah Azza wa Jal. Fajazahumullahu khayran, wa as'alullah Azza wa Jal an yuwaffiqahum wa yuslihahum. ويبارك فيهم وعليهم ويصلح ذرياتهم وأزواجهم وأن يبارك في أموالهم وأهلهم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك